pourquoi, malgré sa casquette, le père Bugeaud fut perçu comme l'ennemi du peuple. Dans une lettre ouverte adressée à Albert Camus, Mouloud Feraoun, auquel j'ai déjà consacré une chronique, raconte qu'au début du XXe siècle, quand il était enfant en Kabylie, une mère qui voulait calmer son enfant lui disait « Tais-toi, voici venir Bichou ». Bichou, c'était le souvenir déformé que le peuple algérien avait gardé du maréchal Bugeaud, qui joua un rôle majeur dans la conquête de l'Algérie sous la monarchie de Juillet. Issu de la petite noblesse du Périgord, Thomas Robert Bugeaud fut envoyé en Algérie en 1836 pour écraser la révolte d'Abdelkader. Nommé gouverneur général en 1840, il imposa sa loi en pratiquant la politique de la terre brûlée. Ses troupes incendiaient les villages et les champs, tout en raflant les troupeaux. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. Ces sinistres enfumades furent l'un des titres de gloire dont se vantait fréquemment Bugeaud. Le peuple parisien a gardé, lui aussi pendant longtemps, un souvenir exécrable du maréchal Bugeaud. En 1834, avant de sévir en Algérie, il avait dirigé en effet l'une des brigades qui avait massacré les insurgés regroupés dans la rue Transnonain, une rue qui était située du côté de l'actuelle rue de Beaubourg. 14 ans plus tard, revenu d'Algérie, Bugeaud fut chargé de réprimer l'insurrection de février 1848 à Paris. Fidèle à sa légende, il promit au roi Louis-Philippe d'en finir rapidement avec cette canaille rebelle. Victor Hugo nota dans ses carnets que Bugeaud aurait même affirmé à ce moment-là « Eussé-je devant moi 50 000 femmes et enfants, je mitraillerais ». Craignant que la haine que lui vouait le peuple attise la colère des insurgés, Louis-Philippe décida finalement d'écarter Bugeaud du haut commandement. Voilà donc l'exemple d'un chef militaire qui fut détesté autant par le peuple algérien que par le peuple parisien. Pourtant, des voix nombreuses s'efforcèrent de présenter Bugeaud comme un héros populaire en le surnommant le père Bugeaud. Tout a commencé avec une anecdote racontée par le duc d'Aumale qui participa à la « pacification » entre guillemets, de l'Algérie aux côtés de Bugeaud. Après avoir perdu sa casquette au cours d'un combat, Bugeaud l'aurait cherché partout, ce qui aurait suscité l'hilarité de ses frères d'armes qui répétèrent en chœur « la casquette du maréchal ». Le lendemain, ajoute le duc d'Aumale, quand les clairons sonnèrent la marche, le bataillon de Zouaves les accompagna, chantant en chœur « As-tu vu la casquette ? La casquette ? As-tu vu la casquette au père Bugeaud ?» Ce refrain est devenu ensuite un chant militaire de l'armée d'Afrique. Pendant la période coloniale, il servit aussi d'indicatif pour annoncer les informations de Radio Alger. Cette propagande, visant à rendre populaire celui qui n'hésitait pas à massacrer les peuples, fut même relayée par l'éducation nationale. J'ai retrouvé, dans le journal hebdomadaire des instituteurs de 1899, publié dans le manuel général de l'instruction primaire, un article racontant l'histoire de cette casquette et mentionnant les paroles de ce chant militaire, peut-être pour que les maîtres d'école l'apprennent à leurs élèves.